Un peu de patience, il n'y en a plus pour longtemps. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Mais non, faites pas attention, faites pas... Pensez à quelque chose de gai. C'est commode de dire ça, tiens. Ne bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas. Ouvrez la bouche, je vous fais pas de mal. Je vous fais pas de mal, je vous dis que je vous fais pas de mal. Mais non, quand ça devra vous faire mal, je vous préviendrai. Soyez tranquille. C'est plein de promesses que vous dites là. Là, ouvrez la bouche. Oh non. Attention. Oh non. Attention. Ah. Attention. Ah. Là. N'ayez pas peur, ça va vous faire un peu mal. Je vous ai pas pris en traître. Tournez pas la tête, pas la tête. Attendez un moment. Oh, nom de Dieu. Là, c'est plus rien. Oh, nom de Dieu. C'est parce que c'est vous. Mais c'est effrayant. On dirait qu'on vous fraye dans la tête. Blum, blum, blum, ça me fait là-dedans. Ça me prend au cœur. C'est horrible. Mais oui, monsieur. Oh non, c'est pas que j'ai inventé le mal de dents. Celui-là, c'est un rude de cochon, hein. Oh, j'en ai eu un mal de dents il y a 2 ans, mais tout de même. Pas comme cette fois-là. Là, ouvrez la bouche. Hein? Allons, prends la roue. Oh, il met la roue. Un petit rien, histoire de rire. Là, je vous fais pas de mal, Là, c'est pour votre bien. Là, vous voyez, vous vous y faites. Ouvrez la bouche. Si vous faisiez ça seulement 8 jours de suite, vous ne pourriez plus vous en passer. Non. Mais non, c'est une idée. Là, c'est fini. Là. C'est fini. Attendez, j'ai pas fini. Vous me dites tout le temps que c'est fini et vous finissez pas. Non, c'est plus rien, c'est plus rien. Ouvrez la bouche. Là. Fermez pas la bouche. Là. Restez grand ouvert. Là. C'est pas si terrible que ça. Crachez. Voilà. Merci. Vous êtes bien aimable. Lorsque vous avez pu me torturer. Mais non. C'est en se disant ça qu'on a mal. Alors, voilà, vous allez garder ce pansement un jour ou deux. Après quoi, vous reviendrez me voir pour que je vous horrifie. Oui. Oui, peut-être sans rendez-vous. Attendez. Après-demain 5h, ça vous va? Vous êtes libre? Après-demain 5h? Non, j'ai un rendez-vous. Alors voyons. Mais ça va très bien, c'est avec un créancier. Il se cassera le nez, c'est pas béni. C'est parfait. 11 février 5h, monsieur Ville d'Amour, n'oubliez pas. Hein. Eh bien, j'oublie pas puisque je me rappelle d'un rendez-vous avec un créancier. Voilà. Oui. Ça me fait toujours mal, vous savez. Oui, ça a l'air de vous laisser froid. Bon, ça me laisse froid parce que c'est dans l'ordre. Vous souffrirez comme ça encore un quart d'heure et puis ça ira en diminuant. Je viens de pratiquer l'orifice, il faut le temps que ça se dégage. Cependant, si vous continuez à avoir mal, eh bien revenez, hein. Je m'arrangerai pour vous faire passer entre 2 rendez-vous. Oui. Vous êtes le plus exquis des dentistes. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Quand je parle de vous, vous savez, faut y demander, hein. Je dis toujours, mon dentiste. C'est une perle, c'est une main, mon dentiste. C'est un plaisir, mais on sent rien. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous répond à ça? On me répond, le mien aussi. Monsieur. C'est pour reconduire, monsieur. En même temps, vous direz à monsieur Jean de venir. Après-demain 5h, monsieur, n'est-ce pas? Entendu. Et couvrez-vous la bouche, hein. Oui. Faites attention de ne pas attraper froid sur votre dent. Mais vous emportez ma serviette. Pardon. Quand je vous dis une chose, vous n'avez pas à me dire non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, madame. Bonjour, monsieur. Le vestibule n'est pas un endroit pour discuter avec les domestiques, surtout à l'heure de ma consultation. Mon ami, veux-tu toucher mon manchon? Je te dis que le vestibule n'est pas... Moi, je ne suis pas dans le vestibule. Je suis dans ton cabinet. Veux-tu toucher mon manchon? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est mouillé? Tu trouves aussi que c'est mouillé? Mais n'ai jamais dit le contraire. Mais ben après quoi? C'est de l'eau. De l'eau? Tu trouves que c'est de l'eau? Eh madame, puisque c'est mouillé. C'est du pipi de chat. Mais tu me dégoûtes. C'est comme ça que tu t'y connais. Et tu me fais toucher ça? Mais non, monsieur, c'est madame qui veut absolument que ce soit ma chatte qui soit allée s'oublier sur son manchon. Or, comme il est universellement connu que ma chatte ne va jamais dans l'appartement, alors je me demande comment elle aurait fait, voyons. Sapristi, il n'y a qu'à sentir. Tiens, sens. Mais non, voyons. Vous m'avez fait demander, monsieur Fabraguet. Oui. Monsieur Jean, voulez-vous me dire ce que ça sent? Non, je t'en prie. Je t'en prie aussi, n'influence pas. Je n'aime pas beaucoup cette odeur. C'est parce que je me demande. Qu'est-ce que ça sent? Elle est folle. C'est de l'eucalyptus? Non, monsieur, c'est du pipi de char. Oh, ah, je n'aime pas beaucoup cette odeur-là. Vous voyez que tout le monde est d'accord? Vous ne me direz plus maintenant? Oui, eh bien, pipi ou pas pipi, je vous serai obligé de vider vos crêles ailleurs que dans mon cabinet. J'ai des clients à recevoir et ils n'ont que faire d'assister à vos histoires. Vous ne me direz plus maintenant, c'était pas votre choix. Pardon, madame, madame, vous ne travaillez une chose, c'est contraire à la vérité. Je ne fais pas vous le dire quand j'ai dit une chose. Ah, non, mais c'est pas vrai, c'est vous, monsieur. Oh là là là, c'est effrayant qu'on puisse pas avoir la paix. Oh là là là là là là. Je voulais dire, moi. Ah oui, vous avez du monde par là? Plus personne. J'ai eu Madame Mistinguette tout à l'heure. Une dent de sagesse qui lui pousse. Tiens, tiens. Oui, j'ai incisé la gencive pour faciliter l'éclosion. Parfait. Toujours jolie. Oh, dame. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? J'aurais aimé la voir. Vous étiez occupé avec un client, alors je l'ai prise. Vous ne vous refusez rien. Oh, oh, monsieur Folbraillet. Madame Mistinguette et moi n'y avons pensé ni l'un ni l'autre. Ouh, ah, je vous jure. Ça va, ça va. Non, je voulais vous dire, il faudrait que vous passiez chez Chose. Qui nous fournit l'amalgame? À Bringuet. Oui, pour nous dire que son dernier envoi ne vaut absolument rien. Toutes mes dernières obturations se désagrègent et tombent. Que pensez-vous? Il faut qu'il me le change. Bien, monsieur. Eh ben voilà, c'est tout. Bon, monsieur. Mon ami, je te prie. Oh, encore toi? Mais quoi, tu n'as personne? Je te demande pardon, il y a du monde qui attend. Eh bien, il attendra. Quand on a mal aux dents, on attend. Je te prie de mettre Hortense à la porte, science tenante. Oh, quoi, encore quoi, quoi? Je lui fais une observation, elle me répond, je m'en fous. Eh bien, fais-en autant. Tu admets ça? Tu admets qu'elle me réponde, je m'en fous? Ça prouve qu'il y a de la philosophie. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous? Oh, rien, madame, rien. Oh, très spirituel. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, tout le monde sait que ça t'est égal qu'on m'insulte. C'est même parce qu'on sait que je n'ai personne pour me faire respecter qu'on se permet. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Si tu ne l'embêtais pas, cette fille... Je l'embête? Oh, ça c'est admirable. Je peux m'en aller, monsieur? Oui, monsieur, Jean, oui. Je comprends que cette discussion ne vous intéresse pas. Oh, c'est pas ça? Non, ne vous excusez pas. Allez, monsieur Jean, allez. Voilà. Voilà le genre. Comment veux-tu qu'il me respecte aussi celui-là si tu as l'air de te moquer devant lui? Quoi, il t'a pas manqué de respect? Non, mais ça viendra. Allez défendre cette fille. Moi, je ne la défends pas. C'est bien. Je saurai dorénavant que j'ai des manchons pour servir de plat aux chattes de ma femme de chambre. Oh non, ah non, je t'en prie, hein, assez avec cette histoire de chatte. Qu'on en fasse une giblotte et qu'on en parle plus. Enfin, veux-tu la mettre à la porte, oui ou non? Oh, ce que tu m'embêtes. Hortense? Hortense? Ah, non, non, je t'en prie, je t'en prie. Hortense, madame? Oh, quelle existence. Entrez, que monsieur vous mette à la porte. Mais du tout. Mais si, quoi. Oh. Je viens de dire à monsieur la façon dont vous vous êtes permis de me parler, il est indigné. Non, c'est exaspérant. Là, vous l'entendez, monsieur dit que c'est exaspérant. Est-ce bien pour moi que monsieur dit ça? On n'était pas insinué que c'est pour moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu entends? Tu entends comme elle me parle? Mais enfin, dis donc quelque chose, toi. Et donne le courage de parler aux gens en face. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà une fille qui me répond à une observation. Je m'en fous, tu admets ça? Non. Eh bien, alors, si tu ne l'admets pas, prouve-le en la mettant à la porte. Eh bien... Attends, quoi. Je serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur, qui a toujours été bon. Mais si monsieur l'exige... Ben aussi, ma fille, comment avez-vous été dire à madame « je m'en fous » ? Mais il n'y a pas à savoir comment elle l'a dit. Il n'y a pas plusieurs façons de dire « je m'en fous ». Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'expression de charretier. Elle m'a dit « je m'en fous », eh bien fous-la dehors, un point, c'est tout. Ben, qu'est-ce que vous voulez, ma fille? Puisque madame y tient absolument, vous fous dehors. C'est bien, monsieur. Je regretterai monsieur qui a toujours été bon pour la domestique. Oui, c'est bon. Allez chercher votre livre que l'on vous règle. Ah, mais pourquoi brusques-tu cette fille parce qu'elle m'a dit un mot aimable? Oui, oh, naturellement. Tu te laisses prendre à ça. Si tu ne vois pas que c'est encore une impertinence à mon égard, par déduction... Oh, toi, tu vois toujours du machiavélisme dans tout. Et toi, tu es mou. Oh, quel chiffre. T'as entendu. Quand on n'est pas de ton avis, on est une chiffre. Entrez. Monsieur, n'oublie pas qu'il a toujours une personne qui attend au salon. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Madame ne veut pas me laisser être tranquille un moment. Ah, voilà qui est du tact. Ah, voilà qui est du tact. Mais c'est vrai aussi. Faites entrer cette personne. Quel chiffre! Eh oui, c'est convenu. Entrez, madame. Pardon. Vous ne venez pas sur rendez-vous? Non, docteur, c'est la première fois que je viens. Mon dentiste habituel est malheureusement décédé. Je n'ai d'ailleurs pas de chance avec les dentistes. C'est le troisième que je perds. Hein? C'est pas encourageant. Oh, mais ça ne prouve rien, d'ailleurs, nous verrons bien. Merci, madame. Ah, je sais que vous êtes le dentiste d'un de mes bons amis, c'est de lui que je me recommande, monsieur Bianassi. Ah! Vous le connaissez bien? Ah, certainement, oui. Je suis en procès avec lui. Ah, bien, il ne me l'avait pas dit. Oh, il me voit de l'argent, voilà tout. Oh, alors c'est pas grave, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. C'est ça, mais nous bavardons et je vous prends tout votre temps. Voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Ouf, c'est un petit accident en mangeant des lentilles. Les domestiques sont si peu consciencieux dans leur travail. On avait laissé une petite pierre, comme ça, alors je me suis cassé une dent. Ah, c'est dommage. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir, madame. Très volontiers. Voyons. Alors, quelle est la dent cassée? Mais je vais vous la montrer. J'ai mis mon dentier dans mon sac et je ne le... Le voilà. Aha. Tenez. Bien entendu, tout ça entre nous. Oh, madame, secret professionnel. Ils sont jolis, hein, n'est-ce pas? Oh, c'est le dernier travail du pauvre défunt. Hein? Ah oui, le dernier dentiste avant moi. Oui, je lui avais demandé de l'extra parce que... Écoutez, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le premier attrait d'une femme... C'est d'avoir de jolies dents. Bah, du moment qu'on peut y mettre le prix. N'est-ce pas? C'est ce que je... Ça n'est pas un dentiste qui vous dira le contraire. Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre. Seulement, ça demandera quelques jours. En êtes-vous pressée? Donc, écoutez, j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours, et en attendant, ça... Ah oui, celui-là, c'est les dents du dimanche. Ah non! Non, j'ai horreur de mon dimanche. Mais quand je vais en soirée ou dans un grand dîner, voilà, je n'ai pas de soirée ni de grand dîner en perspective. Eh bien, c'est parfait. Alors. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, tout de suite. Si vous voulez me donner votre nom et votre adresse, madame. Madame Dingue. Isa. Isa Dingue. 8 rue Bugeaud. Madame Isa Dingue. 8 rue Bugeaud. Miam, miam, miam à réparer. Comment miam, miam, miam à réparer? Oui, c'est pour moi que je mets ça, je me comprends. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas, à ce que si quelqu'un ouvre mon livre par hasard, il trouve Madame Dingue râtelier à réparer? Eh ben non. Non. Alors, miam, miam, miam, je sais ce que ça veut dire, vous comprenez? Et les profanes ne comprennent pas. C'est un génie. Ah, toujours dans ces cas-là. Et il n'y a pas que vous comme ça. Tenez là, voyez-vous? Là, tenez, tenez, voyez-vous? Oui. Madame Rethel Pajon. Miam, miam, une incisive à ajouter. Madame Armand Rethel Pajon, c'est oui, elle? Oui, oui. Oh, je la connais très bien. Comment? À l'art atelier? Oui. Non. Elle, oh, aussi, oh, aussi, comment? Non, non, non, non. Miam, miam, miam, miam. Non, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est pas ça. On est écran, je sois discret. Oh, je vous en prie, n'abusez pas d'une étourderie. Hein. Oui. D'ailleurs, discrétion pour discrétion, vous entendez bien. Oui. Oh, d'ailleurs, je ne l'aurais jamais cru, moi qui admirais toujours cette dent. Vous êtes vraiment trop indulgente. Ah, elles sont de vous. Oui, elles sont de moi. Oh, quel artiste. Vous me demandez, monsieur Folbraguet? Oui, c'est pour madame. Ah, voyons, oui. Où les ai-je donc mises? Quoi? Vos dents. Oh, je les avais dans ma poche. Tenez, voici. Ah? Quoi? Deuxième molaire supérieure gauche à remettre. Parfait. Et quelque chose de soigné, n'est-ce pas? C'est le dentier de gala. Bien, monsieur. Madame n'a pas un jour spécial pour son bridge? Mon bridge? Mais quel bridge? Mais je ne joue pas au bridge. Non. C'est pour le... Ah oui, mais ça s'appelle aussi un bridge. Ah, oui. Je ne savais pas. C'est bien, monsieur Jean, je prendrai jour avec madame. Monsieur Massonnet. C'est pour accompagner madame. Très bien, monsieur. Merci, docteur. Encore du monde par là? Personne pour le moment, mais Hortense attend dans le vestibule pour parler à monsieur. Ah, eh bien, c'est bien quand madame sera partie. Et alors, docteur, quand l'aurai-je? Quoi donc, madame? Mais mon miam, miam, miam. Ah, tiens. Oh, il faut compter 7 ou 8 jours. Je vous l'enverrai chez vous. Eh bien, c'est ça, docteur. Au revoir. Mes respects, madame. Entrez-vous. J'apporte mon livre à monsieur. C'est bien donné. Monsieur Vera, il est arrêté au 30 janvier, alors il y a le compte du 1er au 9. Bon. Plus alors mon mois qui part du 16. Ça fait un mois moins 7 jours, plus mes 8 jours auxquels j'ai droit. Ça fait un mois et un jour, en tout 20 200 francs. C'est effrayant ce qu'il y a de choses inutiles là-dedans. Dame, c'est des dépenses pour madame. Oui, oh, c'est bien. Je sais bien que monsieur sait bien. Regardez-moi ça. Tulle. Voilette, tulle. Voilette, tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de tout ce tulle? Des affutures. Qu'est-ce qu'il y a là? Pardon. Ah, odanum. Ah, oui. Je n'ai pas une très belle écriture. Non, c'est pas ça. Dans ma condition, ça. N'est-ce pas? Oui, l'odanum, oui. Mais pourquoi en a-t-on acheté? Il y en a ici. Ben, c'est un soir que monsieur était sorti. Madame était en cataplasme à faire. Alors, comme elle n'avait pas l'odanum, elle m'a envoyé chez le pharmacien. Oui, enfin, voyons. Lavande, 75 francs. Amidon, 80. Quoi? Qu'est-ce que vous avez mis là? Son. Ah, ça s'écrit avec un S. Ah, c'est possible. En tout, ça fait 26 000. Plus 20 000, ça fait 46 000. Écrivez reçu pour solde de tout compte, 46 000 francs. Pour acquis. Et votre signature? Si monsieur voulait écrire ça lui-même, avec tous ces mots étrangers, jamais je m'en sortirais. Soit. Est-ce que monsieur pourra me faire mon certificat? Oh non, pas aujourd'hui, vous le ferez prendre demain. 9 février, là, Écrivez en dessous pour acquis et signez. Bien, monsieur. Ah non, pour acquis, pas en trois mots. C'est pas une interrogation. Pour, P-O-U-R, plus loin, acquis, A-C-Q-U-I-T. J'ai oublié de mettre le trait d'oignon. Non, c'est pas utile. Signez. Voilà. Bon, eh ben, je vais vous chercher ce qui vous est dû. J'espère que monsieur ne me gardera pas rancune. Oui, oh, vous avez bien besoin de m'amener toute cette histoire. Je le regrette bien, mais si madame ne m'avait pas dit que... Vous n'avez pas dit quoi? Que c'était ma chatte qui avait fait. Oh, votre chatte, qu'est-ce que ça vous fait, votre chatte? Vous n'allez pas avoir de l'amour propre pour votre chatte? C'est ni votre mère ni votre sœur, vous n'allez pas vous en faire une affaire de Dreyfus. Qu'est-ce que monsieur veut? Ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on doit se laisser dire n'importe quoi. Oh, la belle affaire. Mais non, c'est plus fort que vous. Il faut toujours que vous répondiez. Enfin, monsieur, c'est pourtant comment est madame. Elle a toujours un ton pour vous parler. Je ne dis pas, mais... On dirait que monsieur ne le sait pas lui-même. Quand on voit la façon dont souvent elle traite monsieur... Oui, oh, ben moi, vous savez... Ça devant nous, vrai. On en est gêné. Oui, oh, c'est bien. Nous en parlions encore dernièrement à l'office. Adrien était indigné. Hein? Oh, il disait, parce que Adrien, c'est un homme qui ne dit rien comme ça, mais qui voit très juste, oui. Il disait vraiment, j'admire monsieur, oh, avec une femme comme madame, je ne serais pas resté 24 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cette façon encore hier à table pendant le service d'appeler monsieur de tous les noms, de le traiter de nuque. Et c'est faux. Mais je n'en sais rien, monsieur, je n'ai pas le savoir. Ah non, mais c'est que... Ah non, nuque, oh, est-ce que c'est des choses à dire devant les domestiques? Oui, oh. Ça... Mais comment monsieur veut-il que les domestiques le respectent après ça, une nuque? Oui, ça va bien. Non. Ah, oh, si les maîtres savaient le tort qu'ils se font comme ça. Est-ce que les domestiques s'en vont parler de leurs petites affaires devant leur patron? Non, pas si bête. Oui, ah, c'est malheureux, tenez, que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme. C'est difficile. Ce que je me suis tué à lui répéter. Mais c'est plus fort qu'elle. Dès qu'il y a de la galerie, on dirait que ça l'aiguillonne. Si j'ai le malheur de lui dire une chose qui lui déplaît. Je sais pas, moi, que je n'aime pas sa robe, oui. Ou qu'elle est mal coiffée. Là, ce qu'elle peut m'en sortir sur moi et sur les miens. Ah, naturellement, tu aimerais mieux que j'ai l'air d'une grue comme ta sœur. Et Dieu sait que la sœur de monsieur... Enfin, vous étiez là l'autre jour quand elle m'a fait cette scène, hein. Asseyez-vous, non. Oui, monsieur, merci. À propos de sa toilette, oui. Que je lui donnais jamais d'argent pour s'habiller, qu'elle n'avait rien à se mettre. Ça, on sait. Enfin, oh. Vous en savez quelque chose, hein. Vous savez tout ce que je paie à tout moment, toutes les factures. Et pourquoi? Pour des futilités, des fanfreluches, comme dans votre livre. Tulle, voilette. Oui. Mais aussi, pourquoi, monsieur, se laisse-t-il faire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Me dire une bonne fois, en voilà assez. Je te donne tant pour ta toilette et pas un tout de plus. Non, c'est très joli, mais quand les notes arrivent, les choses sont achetées. Eh bien, on dit, je regrette, je ne paye pas. À la seconde fois, madame se le tiendra pour dit. Évidemment. Monsieur est trop bon, alors il est mangé. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Pour avoir la paix, il vaut encore mieux y mettre du sien. Ah, à ce compte-là. Eh ben, c'est ce que vous auriez dû faire aussi, au lieu de vous entêter à discuter. Évidemment, monsieur a meilleur caractère que moi. Madame, au fond, elle est sous problème, et si on ne lui tient pas tête, je suis persuadé que demain, elle vous verra là à votre service, elle ne se rappellera même pas qu'elle vous a congédié. Oui, mais que monsieur comprenne, servir dans ces conditions-là. Oh, non. Goûte, là, vous avez tort, là. En ce moment, c'est vous qui faites la mauvaise tête. Oh, sentir qu'on ne vous est reconnaissant de rien. Enfin, un exemple, monsieur, un exemple. Quand je suis entrée au service de madame, je demandais 20 000 francs. Madame m'a dit non, 19. Et si au bout de 6 mois, je suis contente de vous, je vous augmenterai de 1 000 francs. Pour ne pas discuter, j'ai accepté. Eh bien. Eh bien, il y a 8 mois que je suis ici et madame ne m'a pas augmenté. Bon, c'est qu'elle a oublié. Non, je lui ai rappelé. Elle m'a répondu, bon, nous avons le temps d'en parler. Oh, ben, si c'est pour une affaire de 1 000 francs. Je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me les refusera. Mais évidemment, 1 000 francs, c'est pas une somme. Merci, monsieur. De quoi? Pour les 1 000 francs. Non, seulement, je vous en prie, hein, observez-vous, évitez-moi les scènes, ça me met en colère et j'aime mieux tout que ça. Oui, monsieur. Je vais toujours vous chercher votre argent puisque vous avez acquitté votre livre. Si monsieur veut. Entrez. C'est moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine? Parce que je viens d'habiller madame comme elle a personne. C'est madame qui m'envoie. Oui, tout à l'heure. Alors? Quoi? Comme ça, tu t'en vas? Non. Je croyais qu'on t'avait mise à la porte. Oui. Pour avoir dit à madame, je m'en fous. Oui. Eh ben alors, on m'a augmenté de 1 000 francs. Ah bah! Eh ben, vous êtes encore là? C'est madame qui m'a chargée de demander à monsieur... Quoi encore? De lui demander comme ça, si c'était fait. Oui, bon, ça va bien. Dites à madame que je lui répondrai moi-même. Bien, monsieur. Elle ne lâche pas. Tenez, ma fille, vous voyez, nous disons 46 000. Oui. Voici d'abord 45 000 et 5 000. Voyons, de 46 à 50. Avez-vous à me rendre sur 5 000 francs? Mais oui, monsieur, mais oui. Voilà. Voici 3 000 francs. Ah non? Ah non, de 46 à 50, ça fait 4 000. Oui, mais il y a les 1 000 francs d'augmentation. Allez, ah oui, en effet, les... Merci, monsieur, merci. Ah! Eh bien quoi? Vous faites salon maintenant? Hein? Non, j'étais en train de lui faire mes observations. Ah, et tu l'as fait asseoir pour ça? Bah, parce que comme c'était un peu long, bah, à tout prendre, tu sais, c'est une brave fille. Et au fond de son cœur... Ouais, c'est pas tout ça. L'as-tu réglé? Ah mais oui, ah oui, ah oui, je l'ai réglé, oui. Ça, je l'ai réglé, n'est-ce pas Oui, monsieur. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Ce qu'elle attend? Ben oui, oui, oui, évidemment, qu'est-ce qu'elle attend? Justement, nous parlions... Enfin, elle me disait grand bien de toi, que tu étais une dame très distinguée. Oh, elle est bien bonne. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui demande, son opinion? Oh, personne, personne. Non, c'est pas pour ça qu'elle me disait... que... Non seulement, il faut reconnaître que tu as souvent le mot cassant. Quoi? Par exemple, avec moi. Oh, évidemment, au fond, tu n'es pas méchante. Non, tu n'es pas méchante, mais comme elle me disait, quoi... Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques. Non, mais tu vas demander leur avis sur moi aux domestiques? Non, c'est mieux comme ça, dans la conversation. C'est comme, n'est-ce pas, tu lui avais promis une augmentation de 2000 francs. Alors, comme tu lui avais promis... Eh bien? Eh bien, j'ai dit que je les lui donnerais. Hein? Je pense que tu m'approuves. Oh non, ça c'est admirable. Je te dis de la mettre à la porte et tu l'augmentes de 1000 francs. Eh bien... Ah non, oh non, ça suffit. Oh! Puisque je ne suis plus maîtresse chez moi, puisqu'entre ma femme de chambre et moi, tu donnes raison à ma femme de chambre, ça va bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais ne t'emballe donc pas tout de suite, mon Dieu. Ah, écoute. Oh, je ne m'emballe pas. Seulement, je prends le parti que ma dignité me commande. Je quitte la maison. Oui, Marcel. Non, c'est inutile, je m'en vais. Oh, si, maintenant, après tout, je ne te retiens pas. Oh, n'aie pas peur, tu n'auras pas à me le dire deux fois. Ah, non, par exemple. Quel caractère. Monsieur est un saint. Et même, je te laisse ma chambre. Tu pourras y installer Hortense, comme cela, tu seras plus prêt pour coucher avec ta bonne. Quoi? Qu'est-ce que madame dit? Au revoir! Elle est folle, elle est complètement... Ah, mais non, je n'admets pas qu'on me parle comme ça. Non, mais ne faites pas attention. Non, c'est pas parce qu'on est qu'une femme de chambre qu'on a le droit de tout lui dire. Oui, mais voilà ma vie, ma fille, voilà ma vie. Oh, c'est possible que ce soit la vie de monsieur, mais ce ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur, je m'en vais. Quel enfer, mon Dieu, quel enfer! Entrez! Monsieur, il y a là un monsieur qui vient pour une fluxion. Oh, il m'embête. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Oh, rien, laisse-moi. Mais si, quoi? Mais rien. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Monsieur, je souffre. J'ai une fluxion. Oui, eh ben ça se voit. Asseyez-vous là, enlevez votre bandeau. Oui, monsieur. Je crois que j'ai attrapé Saint-Hier au théâtre. Il y avait un courant d'air. Oui, monsieur, oui, mais ça n'a aucun intérêt dans l'espèce. Ah, bien. Oh, ouvrez la bouche. Ah. Oh, mais voilà assez, il faudra que ça cesse. Comment? Non, rien, ouvrez la bouche. Ah, et là? Oui, eh ben, c'est une mauvaise dent. Ah, alors? Il faut l'extirper. Vous voulez pas la conserver? Pourquoi? Je fais pas collection. Mais vous me la conservez à moi. Oh, si vous y tenez, vous n'avez qu'à la garder. Oh, mais vous êtes maussade. Ah, si vous étiez à ma place, ouvrez la bouche. Ah. Même crier, non pas, je suis déjà assez énervé comme ça. Aïe donc! Oh! Eh ben, il est joli votre chicot. Je vous conseille d'y tenir. Oh, nom de Dieu! Nom de Dieu! Tenez, rincez-vous la bouche. Oh non, mais c'est pas pour boire, voyons. Oh, laissez-moi. Alors, vous n'allez pas vous trouver mal, hein? Je sens que je m'en vais. Ne vous laissez pas aller. Tenez, allez vous étendre un moment. Monsieur Jean. Monsieur. Tenez, emmenez monsieur. Se reposer sur la chaise longue. Oui, monsieur. Tenez. Alors venez, monsieur. Venez. Attendez. Quoi? Voici votre dent, monsieur. Vous tenez à la conserver. Oh, maintenant, j'y tiens plus. Je m'en vais. Je sens que je m'en vais. C'est ça. Allez. Par ici, monsieur. Venez. Oh, quelle journée. Mon Dieu, quelle journée. Entrez. C'est moi, monsieur. Quoi, c'est vous? Je souhaiterais avoir une conversation avec monsieur. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est encore? J'ai attendu que monsieur ait achevé son client, et quand j'ai entendu que monsieur le faisait emmener par monsieur Jean, j'ai frappé. Bon, ça va bien, parlez. Soit. Monsieur n'ignore pas que madame vient de gravement offenser Hortense. Ah non, vous n'allez pas encore venir me réembêter avec ça, hein? Je regrette de réembêter monsieur, mais ce n'est pas pour mon plaisir. Monsieur sait sans doute que je fréquente avec Hortense. Quoi? Oui, enfin... On s'est cédé. Oh. Oh, pour le bon motif, car malgré ça, je compte l'épouser. Bon, eh ben. Eh ben, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant. Infamant. D'abord, je suppose que vous n'avez pas cru... Oh non, je connais Hortense. Merci pour moi. Non, et puis il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur quand elle traitait monsieur de nuque. Ah, mais dites-donc. Non, ce n'est pas pour froisser monsieur, mais c'est pour lui montrer l'illogisme des femmes. Je ne vous dis pas, mais... Bref, monsieur étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer que je serai obligé de quitter le service de monsieur. Eh ben, quittez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, c'est bien, monsieur. Désormais, je reprends mon rang dans la société et je parle d'égal à égal. Quoi? Je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme, ou madame retire ce qu'elle a dit et fera des excuses à Hortense, ou bien je n'oublie pas que je suis ancien prévôt d'armes au régiment et j'aurai l'honneur d'envoyer mes témoins à monsieur. Mon témoin ? Non, mais vous fichez de moi, non ? Vous ne pensez pas que je vais me battre avec mon domestique ? Je ne suis plus domestique. Non, mais je les ficherai à la porte, vos témoins. Ah, en ce cas, il sera établi qu'après avoir offensé les gens, monsieur refuse de se battre et il sera carencé. Je serai carencé ? C'est admirable. Eh bien, contre carence, si vous voulez, ça me fiche. Ça, c'est affaire à monsieur. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout le monde tombe ? Est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça ? Oh, je sais bien que ce n'est pas monsieur. Mais étant donné que le mari répond pour la femme, ça, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur. Ou madame fera des excuses. Non, vous ne voyez pas ça, non ? Ou alors demain, j'envoie à monsieur deux de mes amis. D'abord, si vous croyez que madame consentirait à... Oh, ça, c'est parce que monsieur le veut bien, parce qu'enfin, c'est monsieur qui commande par la loi. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité, qu'à dire, en voilà assez, je suis le maître et j'exige. Ah oui ? Eh ben, vous en parlez à votre aise, vous. Enfin, monsieur a jusqu'à ce soir, avant que je lui envoie mes témoins. Qu'est-ce que tu dis ? Des témoins ? Tu veux te battre ? Ah, je t'en prie, toi, hein. C'est affaire entre hommes, tais-toi. Ah, non, tu ne dois pas te battre avec ces gens-là. En voilà assez, je te dis. Je suis le maître et j'exige. Jusqu'à ce soir, je continue mon service. Je vais ouvrir. Voilà ma clé ! Ma chambre est libre, tu peux en disposer. Oui, eh ben, voilà ce que j'en fais, ta clé. Tiens, la fiche au feu. Oh, à ton aise ! Tu sais ce que tu m'amènes avec tes histoires ? Je ne suis pas curieuse de le savoir. J'ai un duel avec mon domestique. Ah, voyez-vous ça ? Il n'y a pas de voyez-vous ça. Comme Adrien est fiancé à Hortense et que tu l'as insulté, il m'en demande raison. Très bien, c'est très bien. Ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend fait et cause pour elle. Ce n'est pas un pleutre. Oui. Eh bien, en attendant, tu as offensé Hortense. Tu vas me faire le plaisir de lui faire des excuses. Moi ? Et séance tenante. Pourquoi ? T'as peur ? Oh, tout ce que tu dis, espèce d'idiote. Et puis en voilà, c'est un. Je suis le maître et j'exige. Ah, tu exiges ! Tiens ! Oh ! Monsieur exige ! Eh bien voilà, mon ami. Voilà. Quand je montre de l'autorité, voilà. Ah, évidemment, quand il faut remonter un courant. Oh non. Monsieur a toute la journée devant lui. Oh, fichez-moi la paix. Il y a le monsieur que monsieur a déjà soigné aujourd'hui qui revient. Quel monsieur ? Celui qui était là juste avant la dame qui venait pour son miam miam miam. Ah ? Et il paraît qu'il a toujours mal. Bon, eh ben... Et maintenant, je t'amène la cuisinière. Bah, la cuisinière. Allez, entrez ma fille. Puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison, que les domestiques sont plus que moi ici... Mais non. Eh bien, je te passe mes pouvoirs. Désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes et de ses menus. Désormais, vous voudrez bien vous adresser à monsieur. Moi, je démissionne. Au revoir. Marcel. Laisse-moi la paix. Alors, qu'est-ce que monsieur veut manger pour dîner ? Je m'en fous. Et moi aussi. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est à moi que vous dites je m'en fous ? Mais monsieur... Allez, je vous file dehors. Allez faire vos mal, vous partirez séance tenante. Oh, mais monsieur, j'ai pas dit ça pour offenser monsieur. Allez, filez, vous partirez tout de même. C'était pour une augmentation. Allez, vous dites que ça. Allez. Oh, mais tout le monde se fiche de moi ici. Et faut-il faire entrer le client ? Oui, non. Zut ! Si, Eh bien, si monsieur veut entrer... Oh oui. Oh, monsieur, j'ai pas pu y tenir. J'ai plus mal qu'avant. C'est bien, asseyez-vous là. Oui. Oui, monsieur. Oh. Comment ? Non, rien, je me parle. Ah. Attendez, vous me prenez le menton. Eh, vous n'avez qu'à faire attention. Ah. Vous allez encore me mettre tout ce mobilier dans ma bouche ? Et je fais ce qu'il y a à faire. Ah. J'ai une de ces rages. Si vous croyez qu'il y a de vous. Oh, mais les autres, ça m'est égal. Oui, oh, naturellement, égoïste. Ouvrez la bouche. Ah, vous n'avez pas à me faire du mal. Non. Ouvrez. Ah. Au fond, ces dents avaient besoin d'être arrangées depuis longtemps, mais j'hésitais toujours. Tant qu'il me faisait pas mal. Oui. Alors, cette nuit, j'ai pu souffrir. Mais ouvrez la bouche. Oh, j'ai pas pu fermer l'œil un instant, hein. Il me semblait qu'on me vrillait le cerveau. Ah, je vous en prie, ne me parlez pas tout le temps, vous m'empêchez de travailler. Ah. Et quand on pense qu'on a la bêtise de se marier. Hein? Non. Ouvrez la bouche. Ah. Ouvrez. Ah. Qu'est-ce que la cuisinière me dit ? Que tu l'as mise à la porte ? Oh, fiche-moi la paix, toi, hein. Je suis occupé, je te prie de me laisser travailler. Oui. Eh bien, je n'admets pas que tu mettes Noémie à la porte, attendu que je n'ai jamais eu qu'à me louer d'elle. Oui, eh bien, moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je la fiche dehors. Et puis, voilà, c'est... Je suis avec un client, je te prie de me laisser. C'est bon, pardon, monsieur. Ah. Nous reparlerons de ça tout à l'heure. Un sens. C'est insensé, monsieur. Depuis ce matin, monsieur, c'est comme ça. Oh, là. Ouvre la bouche. Oui. Vous n'avez pas à vous faire de mauvaises sens, ma fille. Monsieur n'est pas dans son état normal. Il n'y a pas besoin d'y faire attention. Là. Ah, c'est là. Oh. Pour lui. Alors. Pourquoi moi, Pardon, avant toi, il y a moi. Quoi? Oh là là là là là. Non, il n'y a pas d'ordre là là là là là. Tu n'as d'autorité ici que celle que je t'ai laissée prendre. Mais tu oublies que le seul maître, c'est moi. Et la preuve, c'est que j'ai mis la cuisinière à la porte et qu'elle va déguerpir à l'instant même. Mais monsieur, c'est pas ma faute. Oui, et ben vous vous en irez tout de même. Mais laissez-le donc, il est fou. Oui, c'est possible, mais j'entends les brebis. Oh, mais. Ouvrez la bouche. Elle m'embête à la fin. Écoute-moi. Ah, non, je vous réitère d'avoir un fiche de ici. J'en ai assez pour l'excuse, t'en rendez-vous. Oh, mais dis donc. J'ai dit obéissez. Oh, là. Qu'est-ce qui m'a fichu? Oh, crachez, monsieur. Hein? Oh, ah oui. Je vous remercie. Je vous quitterai, monsieur. Eh ben, quitte-la, la maison, quitte-la. Tu me répètes toujours et tu ne t'en veux jamais. Va-t'en. Parfaitement, je la quitterai. Eh ben, ce sera pas béni. Oh, quelle choléra. Qu'est-ce que tu as dit? Eh ben, bien. Oh là. Faites-le m'ouvrir. Faites-le m'ouvrir. Je vous demande pardon, monsieur, de cet intermède grotesque. Oh, vous avez... Vous êtes témoin, monsieur. Vous êtes témoin qu'il m'a appelé choléra. Mais madame... Vous êtes témoin qu'il me chasse de chez lui, qu'il m'a dit de quitter la maison. Oui, ça oui. Oui. Eh bien non, je ne m'en irai pas. Tu oublies que tu as mis le bail à mon nom à cause de tes créanciers. Je suis ici chez moi. C'est à toi d'en sortir. Oui, eh ben je te prends au mot. Tiens, je la quitte la maison. Je suis bien bête de me crever à travailler pour toi. Tu vas avoir tous les droits. Eh ben à toi aussi toutes les charges. Tiens, voilà mes instruments. Voilà mon client. Moi, je donne ma démission. Allez, va, travailler maintenant. Ouais. Ah non, plus souvent, c'est bon pour toi. Aller fourrer mes doigts dans n'importe quelle bouche dégoûtante, hein? Ça me répugnerait trop. Mais eh ben, n'empêche que c'est grâce à ces bouches dégoûtantes comme celle de monsieur, dans lesquelles je fourre mes doigts, que tu peux te payer des toilettes et des tultules. Désormais, tu t'arrangeras pour gagner ça toi-même. Moi, je tire ma révérence. À ton aise, seulement je t'avertis. Ce soir, tu ne me retrouveras pas à la maison. Et moi non plus. Adieu. Adieu. Eh ben, là. Oh. Nous vous rappelons la distribution d'Hortense a dit « Je m'en fous » de Georges Feydeau. Le rôle de Folbraguet, le dentiste, était tenu par Pierre Détaille. Marcel Folbraguet, son épouse, par Paul Emmanuel. Hortense, la femme de chambre de Madame Folbraguet, par Sophie Desmarais. Adrien, le valet de chambre et le promis d'Hortense, par Jean-Marc Thibault. Monsieur Jean, l'assistant du dentiste, par Maurice Biraud. La cuisinière, par Fernande Albany. Et les clients, M. Ville d'Amour, par Roger Pierre, Mme Dingue, par Jacqueline Maillan, et M. Lebouc, par Jacques Hilling. C'était Le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.